Bon, bienvenue dans la Voix des guerriers. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. Et on est quel jour, Fred, donc? 28, 29, pas sûr. On est en vacances. Ouais, on est. Ah, je pense qu'on est le 27 décembre 2009, 2009, oui, bien sûr. Dans quelques jours, évidemment, on va rentrer en 2010 et on se permet quand même une émission. Puis on n'est pas en vacances, nous, durant le temps des fêtes. De toutes les manières, honnêtement, c'est pas du travail ce qu'on fait. C'est toujours vraiment un grand plaisir de pouvoir avoir la chance de vous parler d'un sport qui est le plus intéressant, le plus spectaculaire, en tous les cas, à nos yeux, puis probablement au vôtre, puisque vous êtes avec nous ce matin, durant votre période des fêtes, et on va vous parler aujourd'hui surtout de deux événements, dont l'événement Dynamite, dont il y a le Sengoku, Dream et le K1, qui unissent toutes leurs forces pour faire un événement, ma foi, qui va être très intéressant. Et évidemment, par la suite, on va également parler d'une carte du UFC, puisque le UFC pour l'année 2009, tout est terminé, mais on débute l'année 2010 en force, c'est à vous de juger ça, mais dans tous les cas, rapidement au début de l'année 2010, puisque déjà, samedi prochain, le 2 janvier, il y aura un événement dont le combat principal de la carte opposera Rashad Evans à Thiago Silva. Alors tout ça durant votre émission La Voix des guerriers et bien d'autres sujets. Fred, l'homme nouvelle Garcia, évidemment toujours là, pour nous faire part de toutes les potins, les rumeurs, tout ce qui s'est passé et qui ne s'est pas passé durant la dernière semaine. Alors évidemment, il y aura également un peu de ça au courant de l'émission. Oui, ça va bien, Ken. Ça va très bien. Je pense qu'on n'a pas vraiment de résultats à mentionner. J'allais te demander si tu avais vu le dernier combat de Frank Mir. Non? T'as pas remarqué sur mon site, j'ai mis des photos. Oh non. Non, parce que mon gars, il m'a acheté une figurine de Frank Mir, c'est pour ça, pour Noël. Ah, ok, non. Alors, je me suis amusé avec Frank Mir puis mon André Arlovski hier soir. Faites à terre, là. Non, pendant la période des fêtes, là, on a tellement la tête un peu ailleurs, on a un peu tout mêlé, mais quand même, on est bien préparé, je pense, pour vous parler des principaux événements qui arrivent dans la prochaine semaine. Et puis, j'ai peut-être quelques résultats à mentionner. On a fait une entrevue il y a quelques semaines avec Ferid Keder. On vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait, puisque, comme on en avait parlé durant l'entrevue, participait à un événement hier, donc le 26 décembre, lui et son comparse Sébastien Garguier. Ils ont tous remporté leur combat. Ferid Keder en avait deux, comme il nous l'avait dit dans l'entrevue, il a remporté les deux combats. J'ai pas vraiment plus de précision, mais Sébastien Garguier, tant qu'à lui, a également remporté son combat. Et si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu, par étranglement arrière au premier engagement, là, on va essayer de suivre le dossier, puis peut-être avoir de plus amples informations à propos de leur combat durant une des prochaines émissions La Voix des guerriers. Si on a également la chance, on pourra essayer de s'entretenir avec l'un des deux pour avoir des nouvelles et également voir s'ils vont être à Montréal dans les prochaines semaines, peut-être pour un événement MFL dont je pense que le promoteur de la MFL, Dirk Wardenburg, nous avait confirmé également. Puis du côté de Ferid Keder également, nous avait parlé de ça. Fin février, il pourrait être là pour un événement MFL. Et pourquoi pas, peut-être un petit plaisir, un combat pour la fin janvier avant ça, pour l'organisation Ringside. Alors, on va surveiller ça avec eux. C'est pas mal tous les résultats. Évidemment, la période des fêtes, il n'y a pas beaucoup d'événements. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de résultats à vous parler, si ce n'est que ceux que je viens de vous transmettre. Alors, Fred, on est prêt pour commencer avec le Dynamite? Oui, très prêt. Une grosse carte au Japon. Annuellement, là, à chaque année, le Dynamite, c'est un très beau gala au Japon qui nous donne, je trouve. Puis cette année, on a le droit à beaucoup de stars. Il va y avoir Overeem, Sakurai, Gono. Il va avoir des beaux noms, Shinya Aoki et d'autres. Alors, ça devrait être un bon gala qu'on va avoir le droit. Ça va être le 31 décembre. Ça commence ou bien à 3h AM ou 4h AM à Montréal. Je suis mélangé un peu avec le changement horaire, ça veut dire le 1er janvier ici à Montréal, ça va être. Oh, t'es sûr que c'est pas le contraire? L'heure du Japon sont en avance sur nous, alors d'après moi. Exactement, t'as raison. Ah, ok. En tous les cas. Ça va être le 31 décembre à 4h du matin, heure de Montréal. Excuse-moi, c'est moi qui s'est mélangé. Puis il faut calculer, pour ceux qui nous écoutent en France notamment, puisqu'il y en a beaucoup, ben vous rajoutez 10 heures de plus. Ouais, 10 heures, 22 heures. Ah là là, ça devient un peu compliqué à suivre. Je ne sais pas si en France vous avez l'occasion, la chance de pouvoir voir ça live sur je ne sais pas quel canal. Ici, malheureusement, je pense que à moi d'être vraiment une volonté HDNet. de. Ouais. Je sais pas En si tout cas. c'est disponible sur vos postes. Je pense pas. Non, malheureusement, alors il va falloir être patient avant de pouvoir voir ces combats-là. Écoutez, moi, c'est sûr que j'aurais payé si ça. Si ce fut été présenté sur Pay-Per-View, et malheureusement, ce ne l'est point. Alors, on va faire avec ce qu'on a et on va attendre patiemment d'avoir accès au combat. Toujours moyen de pas tenter de quoi, là. Alors, il va falloir être déterminé pour pouvoir voir ces affrontements-là. Ils sont nombreux. Moi, j'ai envie de commencer avec le combat d'un gars que je vous parle depuis quelque temps. J'ai jamais vraiment vu à l'œuvre, mais j'ai comme un bon feeling pour lui. C'est Satoshi Ishii qui affronte Hideko Yoshida. Ce sont deux gars, évidemment, qui ont un bagage en judo immense. Les deux sont champions du monde, médaillés d'or aux Olympiques. Et, Yoshida, ça a été le cas, lui, en 2000, aux Jeux. En 2000, ça devait être Athènes, si je me trompe pas. Alors que. C'était dans une ville qui se sont endettés. Ah, là, je sais pas, là, mais Satoshi Ishii, lui, tant qu'à lui, c'était aux derniers Olympiques où il a remporté sa médaille d'or. Dans les poids lourds pour Satoshi Ishii, dans les plus de 100 kilos, rappelez-vous, cette année-là, ça fait pas très longtemps, là, vous en rappelez certainement, surtout les Français, Teddy Riner avait remporté la médaille de bronze dans la même catégorie de Satoshi Ishii. Il y a plein d'autres Français qui avaient bien performé, Benjamin Darberlet, qui avait terminé deuxième à 66 kilos. Lucie Descosses, elle avait terminé deuxième dans les 63 kilos. Et Stéphanie Possamaille, j'espère que je prononce bien, avait remporté une médaille de bronze dans les 78 kilos. Alors, la France avait quand même récolté quatre médailles lors de ces Olympiques-là en judo. Et Satoshi Ishii, lui, dans la catégorie des poids lourds, avait remporté la médaille d'or. Tant qu'à Hideko Yoshida, un peu plus âgé, beaucoup plus âgé même, puisque Satoshi Ishii n'a que 23 ans. Il pourrait continuer puis participer à une autre, ou peut-être même deux autres reprises aux Olympiques, mais il a décidé de prendre la voie du MMA. Et évidemment, c'est pas nous qui va nous en plaindre. Alors que Hideko Yoshida, lui, a entamé sa carrière en MMA en 2002. Alors, ça fait déjà 7 ans, mais déjà. À ce moment-là, il était assez âgé. Il avait, je pense, 33 ans lorsqu'il a débuté en MMA, puisqu'il a 40 ans maintenant. C'est probablement dans ses derniers combats, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu plus ou moins de succès, disons-le comme ça. Et c'est à Barcelone, en 92, qu'il a gagné sa médaille d'or. Alors, j'étais pas mal dans le champ tout à l'heure. En 92, gagne la médaille d'or. C'était à Barcelone et dans la catégorie des moins de 78 kilos. Bon, maintenant, il est rendu beaucoup plus gros là, dans ses combats. Bon, il faut dire que Yoshida mesure près de 6 pieds, un peu moins, 5 pieds 11, pèse 225 livres maintenant. Mais Satoshi Ishii, c'est 5 pieds 11 pour 230, 240 livres naturels dans la fleur de l'âge. Alors que, bon, Yoshida, lorsqu'il a eu son succès en judo, il était dans une catégorie beaucoup moins lourde. Alors, je pense vraiment au niveau de la force du côté de Satoshi Ishii, la jeunesse, puis même l'entraînement, parce qu'on a vu Ishii s'est pas plongé dans le MMA tout de suite. Il a fait des camps d'entraînement avec l'équipe de Extreme Couture, American Top Team. On l'a vu également pratiquer, aider Lyoto Machida comme sparring partenaire. Je pense que le combat que Machida préparait contre Rashad Evans, si je me trompe pas. Je pense que Satoshi Ishii va se présenter là, va être prêt, puis va infliger une sévère correction à Hideko Yoshida. Fred, qu'est-ce que tu penses de ce duel-là? Est-ce qu'il était aussi emballé que moi? Ben moi je suis emballé à cause de l'attention que ça attire surtout et aussi à cause du background de judo. Moi j'aime bien le judo, c'est ce que mon fils fait. Mais c'est surtout que je pense qu'au Japon ça va attirer beaucoup beaucoup de regards et ça peut juste être bon pour le MMA japonais pour que ça prenne une renaissance si on veut. Alors Moi aussi, je pense que Ishii va gagner simplement parce qu'il est plus jeune, parce que c'est la prochaine star, si on veut, d'après moi, comparativement à Yoshida qui est plus vieux. Je vais donner quelque chose à Yoshida. Je regarde en ce moment les combattants qu'il a affrontés. Tu sais, si t'enlèves James Thompson, Tank Abbott, il y a beaucoup de gros noms quand même. Il a affronté, il a perdu contre Josh Barnett, il a perdu contre Mirko Crocop, il a perdu contre Wanderlei Silva, mais il les a quand même affrontés. Alors, ça devrait être un bon combat. J'ai hâte de voir ça. Oui, puis en plus, il a fait deux fois la décision face à Wanderlei Silva, au moment que Wanderlei Silva était pratiquement imbattable. Leur premier duel, quand même, Silva lui avait infligé toute une raclée, même si, bon, il avait été en mesure de poursuivre le combat jusqu'à la décision, mais c'était juste pour manger plus de coups. Mais sinon, effectivement, il a affronté des gars quand même avec de l'expérience, des bons combattants, sous des mous de son affrontement en 2004. Contre, je pense, un autre médaillé d'or aux Olympiques, mais en lutte, Roland Gartner, l'Américain, où l'Américain, sa lutte avait complètement dominé le Japonais. Mais il faut dire que Gartner était beaucoup plus gros et lourd que Yoshida. Alors, c'était peut-être pas un match, un combat, peut-être à force égale. Et il y a eu quelques victoires, des belles victoires, la majorité du temps par soumission, puisque Yoshida, qui a une fiche de 8 victoires, ben en fait, il les a tous remportés par soumission. Mais il a été soumis à une occasion également, et je pense que c'était par Josh Barnett, une clé de talon. Et évidemment, il n'avait pas eu le choix de taper. Et son dernier combat, il l'a perdu également face à un dénommé Sanae Kikuta. C'était au Sengoku, par décision partagée. Sa dernière victoire remonte à 2008 face à Maurice Smith, qui, bon, c'était par soumission, et Maurice Smith est très âgé maintenant, puis c'est un spécialiste en pieds et poings. Ouais, ben, comme je dis, c'est pas sur papier, c'est peut-être pas le plus gros combat techniquement, mais au Japon, on en a déjà parlé, c'est pas toujours ce qui est le plus important. Eux autres aiment beaucoup l'aspect spectacle ou, si on veut, l'aspect qui va générer une discussion au Japon. Et Ishii devrait faire ça. Alors, tant mieux. J'ai hâte de voir ça, justement, pour voir si les Japonais vont reprendre un amour pour le MMA comme ils avaient avant. Oui, parce que souvenez-vous, il y a quelques années, c'était 75 000, 90 000 personnes pour ces événements-là du 31 décembre. Mais maintenant, on est dans des amphithéâtres à peu près à 17 000, 18 000. Alors vraiment, là, peut-être un peu la crise économique, puis les problèmes économiques que le Japon a eu, avant la grosse crise économique en plus. Puis bon, peut-être un certain désintéressement qui fait en sorte qu'il y a eu vraiment une baisse de popularité de ce sport-là. Et je pense que ce genre d'affrontement-là peut redonner le goût aux Japonais. Et bon, je vous parlais de la médaille d'or dans les moins de 78 kilos de Hideko Yoshida. Par la même occasion, je vous invite à écouter une entrevue qu'on a faite avec Nicolas Gill. Vous, les Français, vous le connaissez peut-être pas. Ici, au Québec, c'est, je pense, notre David Douillet au niveau performance en judo, puisqu'il a récolté 2 médailles aux Olympiques en judo. Alors que le Canada, depuis l'existence du judo aux Olympiques, en a récolté que 4. Alors évidemment, c'est comprendre à quel point Nicolas Gill, c'est notre figure emblématique ici pour le judo. On a fait une entrevue avec lui. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce gars-là a eu l'occasion de se coltailler avec Satoshi Ishii et Hideko Yoshida en pratique, dont il les connaît relativement beaucoup mieux que nous, évidemment. Puis il nous en a parlé. C'est vraiment très intéressant. Alors je vous invite à l'écouter, cette entrevue-là. Et lors de ces mêmes Olympiques où Yoshida avait remporté sa médaille d'or en 92 à Barcelone, eh bien notre représentant canadien, Nicolas Gill, tant qu'à lui, avait récolté la médaille d'argent dans les moins de 86 kilos. Ouais, ça. La médaille de bronze, plutôt. C'était un Français. Ouais, c'est ça. Malheureusement, qui avait remporté la médaille d'argent du nom de Pascal Taillot. Ouais, j'allais dire, ça a vraiment été super et je remercie encore Nicolas Gill et tous les autres qui ont passé avant lui en entrevue et les prochains à venir parce que c'est vraiment très intéressant. Ils ont été super gentils. Ah oui, effectivement. Puis Nicolas Gill nous a vraiment apporté un angle de vue qu'on pouvait pas, nous, évidemment, connaître. On a évidemment jamais roulé ni avec Satoshi Ishii, ni avec Hideko Yoshida. On les a jamais vus en personne. Et Nicolas Gill a pu nous en parler quand même relativement très bien. Puis en même année, en 92, évidemment, votre David Douillet, lui, avait terminé 4e dans les poids lourds. Puis un autre Japonais également qui a fait du MMA cette année-là, qui a combattu en judo aux Olympiques, c'est Naoya Ogawa. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Maintenant retraité, je pense, avait terminé deuxième dans sa catégorie dans les poids lourds, puis une fiche en MMA de 7 victoires, 2 défaites. Puis il y a également d'autres Français qui avaient bien performé cette année-là, puisque en 1992, la France a récolté pas moins que de 7 médailles aux Olympiques de 1992 en judo. Alors c'est ça, c'est cette confrontation-là, Satoshi Ishii et Deiko Yoshida qui, moi, m'intéressent vraiment énormément. Ishii, ce sera son premier combat à MMA, mais ça fait quelques mois là, qu'il prépare ce combat-là, fait des camps d'entraînement, comme je vous l'ai dit, avec des bonnes équipes. Et au niveau de la force de la jeunesse, évidemment, tout est à son avantage, mais l'expérience à MMA, évidemment, Yoshida, lui, a eu l'occasion de faire quelques combats. Et je ne sais pas ils vont se présenter avec leur judogi. Ça, évidemment, ça peut peut-être changer un peu la partie. D'après moi, ils vont se battre en judogi, je dirais, parce que si on regarde Yoshida, j'essaie de me rappeler, il me semble la majorité du temps, il a son gi. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais du côté de Satoshi Ishii, je l'ai vu à quelques... La manière dont il s'entraîne avec les camps d'entraînement solidement implantés, bon, américain, American Top Team, Extreme Couture, est allé pratiquer avec Lyoto Machida. Je pense qu'il y a vraiment un objectif, lui, de se rendre très loin. Et s'il n'a pas débuté tout de suite avec les grosses organisations américaines comme le UFC, Strikeforce, je pense que le UFC était prêt à ouvrir leurs portes. Mais je pense qu'il veut aller chercher un bon bagage au Japon, monter les échelles l'une après l'autre. Pour se rendre vraiment à un niveau supérieur. Je pense bien que ce gars-là a des aspirations importantes, puis c'est très bien que le MMA, maintenant, ça se pratique à l'américaine. Il n'y a pas de judogi là-dedans, parce que s'il veut un jour affronter les meilleurs, ce sera évidemment sans judogi. Puis, je pense qu'il y aurait avantage à tout de suite partir ça et combattre à la bonne méthode, maintenant plus... pratiqué à travers le monde, puis je pense que lui devrait se présenter sans judogi, puis ça va l'aider justement. Et si Yoshida, puis même Yoshida, je pense qu'il aurait avantage à ne pas venir avec son judogi, parce que Satoshi Ishii avec la vous l'avez vu, médaillé d'or aux derniers Olympiques dans les poids lourds, possible qu'il puisse faire quelques techniques, puis Yoshida se ramasse le derrière rapidement. Et évidemment, si Yoshida porte son judogi, ça va juste aider davantage Satoshi Ishii. Une question de but, sans but, juste de même. Dans l'éventualité qu'un gars a un gi, puis que l'autre gars a pas de gi, est-ce que tu dirais que le gi pourrait quasiment le désavantager, celui qui l'a, parce que Ishii, c'est un très bon grappler aussi. S'il a pas de gi, il pourrait se servir quasiment du gi de Yoshida. Ben oui, c'est ça. T'as toutes des grips pour faire tes projections. T'sais, un gi, je pense que ça change vraiment le monde. Je vois pas l'avantage de le porter, si ce n'est peut-être que de réaliser des strangulations. Évidemment, avec un gi, ça te permet de faire quelques étranglements intéressants, là, mais pour être projeté au sol, je pense pas que c'est la meilleure affaire, là. Ouais, c'est ça, moi avec, mais c'est intéressant au Japon. Ça nous donne toujours un différent look, si on veut, dans les combats. Ah, effectivement. Bon, on poursuit là, je ne sais pas dans quel ordre qu'on va y aller. Qu'est-ce que tu dirais si on y va avec la conclusion du tournoi Super Hulk? Donc, le combat va opposer Ikyo Iza Minowa et Ramo Sokoju. Tous les deux ont remporté tous leurs combats précédents dans le tournoi pour se rendre évidemment à cette finale-là d'un tournoi Super Hulk qui manque de saveur, où il y a vraiment les gars qui étaient en place depuis le début, c'était pas nécessairement des gars avec des gros noms, des gros bagages, des gars qu'on connaît bien, mais c'est un tournoi pour moi vraiment qui veut absolument rien dire. Ouais, je suis un petit peu sur la même lignée de pensée que toi. Je me dis tout de suite que d'après moi, Sokoju devrait l'emporter. Minowa a beaucoup de cœur, il est toujours le fun à regarder, mais d'après moi, le dernier combat de Sokoju, c'était contre Musashi, il me semble, c'était tout ça? Oui, oui. C'est ça. Et je me rappelle, je t'avais dit, moi, je trouve quand même que c'est un vrai combattant, Sokoju, là. Il avait quand même bien performé au premier round. Et comme d'habitude, il avait manqué un peu de gaz, puis au deuxième round, il s'est fait prendre. Mais je pense que Minowa va en avoir trop plein les mains contre un Sokoju qui est quand même tout un athlète, puis qui a des bonnes qualités. Oui, Sokoju a des bonnes qualités. Par contre, une fiche de 7 victoires, 5 défaites, à chaque fois qu'il a rencontré des noms relativement gros dans les moments cruciaux, surtout UFC, ben il a perdu ces combats-là. Évidemment, on se rappelle tous de ces deux combats au Pride où il y avait infliger des corrections incroyables à deux gros noms de l'époque, Antonio Rogério Nogueira et Ricardo Arona. Mais depuis, beaucoup de difficultés à remporter des combats importants. Ces deux combats qu'ont remporté dans les combats préliminaires à ce tournoi-là, je pense que c'est pas vraiment des vrais combattants de MMA. C'était Jant Nargi puis Bob Sapp, deux lourdos, je dirais, avec plus ou moins de technique. Et puis dans ces deux combats-là, Sokoudjou en manquait un peu de classe, en continuant de frapper ses adversaires après que le combat soit terminé. Et là, il se présente là en finale, face à un gars évidemment beaucoup moins corpulent physiquement que lui. Un gars, Ikuiza Minowa, qui a beaucoup d'expérience. Là, c'est quoi? C'est près de 80, même plus que 80 combats d'expérience. Minowa, à 195 livres à peu près, qui peut se présenter. Sokoudjou, lui, bon, c'est un combattant qui a l'habitude est dans la catégorie des 205 livres. Beaucoup d'expérience en judo du côté de Sokoudjou, c'est une ceinture noire en judo. Et du côté de Minowa, lui aime bien soumettre ses adversaires. Sur 43 victoires, 28 ont été suite à des soumissions. C'est pas un gars vraiment dangereux debout, pas une technique ni en poing ni en pied dangereux, mais se débrouille relativement bien, capable de se débrouiller. Mais évidemment, son jeu, lui, c'est tout le temps d'aller chercher son adversaire le plus près possible. Et son arme de prédilection, souvent, les clés de jambe, que ce soit clé de talon, cheville ou une patente comme ça. D'ailleurs, c'est de cette manière-là qu'il a affronté et remporté ses deux combats du tournoi face à Bob Sapp et de Hangman Choi. Puisque Bob Sapp, bon, là, je vous l'ai dit, là, il était dans ce tournoi-là, mais il a eu l'occasion de combattre à deux reprises puisqu'il y a eu un désistement ou une blessure durant le tournoi qui a fait en sorte qu'il a fait deux combats dans le tournoi, il les a perdus toutes les deux. Et face à Minowa, Minowa avait réussi une clé de talon, une clé de cheville. En tout cas, c'était pas très élégant. Bob Sapp qui avait pas réussi à se défendre. Alors, puis c'est le genre de manœuvre que Minowa aime bien faire. Puis on a vu également Sokoudjou, là, ses combats précédents au sol, manquait un peu d'aptitude. Alors, ça va être un combat pour moi qui va être plus intéressant qu'il n'en a l'air. Ouais, moi, regarde, j'ai pas le même intérêt pour ce combat-là. Je pense que quand même, ça va être un bon duel, puis ça va donner un peu d'excitement à une soirée. Tout de suite après ça, il va y avoir Alistair Overeem qui va combattre, lui, contre Fujita. Je pense que toi, tu sembles aussi donner un peu de chance à Fujita. Moi, dans ce combat-là, je semble aller vers Alistair Overeem, vers une victoire relativement facile. Je sais pas comment tu vois ça aller, toi? Effectivement, là, sur papier, on voit pas comment Overeem peut perdre ce combat-là. Overeem qui mesure quoi, tout près de 6 pieds 5. Maintenant, la pesée semble frôler les 260 livres facilement. Fujita, lui, c'est un 6 pieds. Alors déjà là, au niveau de la portée, évidemment, on comprendra qu'il est juste en grandeur. Et il concède 5 pouces à son adversaire. Il se présente là à peu près à 235 livres. Il a 39 ans. Overeem a 29 ans. Alors, ça va être difficile pour Fujita, qui a une fiche de 15 victoires, 8 défaites, alors qu'Overeem a 31 victoires, 11 défaites. Il combat depuis qu'il a 19 ans. Overeem, beaucoup d'expérience. Fujita, il a une très bonne lutte. Il a donné du fil à retordre à Fedor Emelianenko en 2003. Il l'avait même ébranlé dans ce combat-là. A eu quelques belles performances ici et là. A battu Gilbert Evil, a battu Ken Shamrock, a battu Mark Kerr, a battu quand même des noms relativement importants, a perdu contre des gars qui frappaient comme Mirko Filipovic, a perdu par TKO contre Wanderlei Silva, avait mangé toute une raclée. Et évidemment, Overeem debout, on l'a vu au camp 1, c'est un gars qui possède des outils, que ce soit ses genoux, ses mains, ses jambes, tout est là, avec la portée qui va être à son avantage. Évidemment, si le combat s'éternise debout, c'est clair que Fujita va manger une raclée assez rapidement. Mais lui, son seul objectif, c'est d'amener le combat au sol. Et là, à partir de là, il va pouvoir avoir de minces chances de remporter le combat. Son dernier duel, c'est face à Bagloa Ivanov. Ivanov, c'est le dernier à avoir battu Fedor Emelianenko. C'était en 2008 dans une finale ou une demi-finale d'un championnat mondial de sambo où Ivanov avait surpris Fedor et avait remporté ce combat-là. Et Ivanov a depuis fait quelques combats à MMA. C'était un affrontement, ça, en 2009, entre Fujita et Blagloa Ivanov. Ivanov avait remporté, mais par décision partagée. Alors, Fujita, je pense que Il a quand même des bonnes capacités, mais là, il est rendu assez vieux. Les blessures et tout le tralala. Ce sera pas un combat facile pour lui. Et pas nécessairement sur une belle séquence non plus. Tout est à l'avantage d'Alistair Overeem. Mais évidemment, si vous avez vu sur le pari virtuel de Fred sur MMAnouvelle.com, ça peut être intéressant de miser quelques crédits sur Fujita et espérer qu'il y ait vraiment une surprise là. Moi, je vais te dire une chose. Tu vois, moi, je pense pas que Overeem a le jeu au sol pour combattre contre Fedor. Alors, ça serait intéressant si jamais Fujita peut amener ça au sol, parce que moi, je vois Overeem comme un combattant principalement debout. Et je me dis contre Fedor, une fois au sol, le combat durerait pas très longtemps, je pense. Alors, oui, je pense qu'Overeem va l'emporter, parce que Fujita n'est pas du même calibre. Mais j'aimerais bien ça voir Fujita réussir à l'amener au sol, faire un peu de ground and pound, puis faire un peu mal à Overeem. Ouais, ben attention, Overeem, il est pas dépourvu au sol. Je sais pas, ben, t'as vu son frère Valentin, ou je sais pas trop, là. Lui a déjà soumis, à mon souvenir, Randy Couture par guillotine. Puis Overeem également a soumis quelques adversaires de renom avec des guillotines, notamment. Qu'est-ce qu'il a, il a fait ça, je pense, Un Kimura aussi, il me semble, je me rappelle. Il est pas si mauvais que ça, mais je pense que Fedor est à un autre niveau au sol. C'est pour ça, surtout. Quand on mentionne Fedor contre Overeem, oui, je pense que ça pourrait être un bon combat. Mais honnêtement, je vois 99% de chances que Fedor l'emporterait, justement. Parce que je pense que Fedor est supérieur au sol. Et debout, il est aussi fort qu'Overeem. Peut-être Overeem est meilleur parce que c'est un vrai striker, mais Fedor peut rester debout avec n'importe qui aussi, alors. Ouais, ben ça, c'est clair. Fedor est à un autre niveau que la planète en entier jusqu'à maintenant. On l'a jamais vraiment vaincu, on l'a vu. Mais Overeem, je pense, en termes de combattant, est supérieur à Brett Rogers à tous les niveaux. Puis, au sol, a déjà quand même, sur 31 victoires, 19 suite à des soumissions, Overeem. Alors, faut vraiment faire attention. On l'a vu, James Thompson, une guillotine. Guillotine face à Tony Sylvester. Bon, c'était deux... pas nécessairement des combattants incroyables. Il y en a-tu une contre Frédéric Garcia? Ou... Pas encore, mais ça pourrait s'en venir. T'as Kimura, ben, c'était face à Gary Goodridge. Alors, quand même, déjà là, on voit que ces trois derniers combats, c'était pas nécessairement les top-notch en MMA. Puis avec Fujita non plus, là... Effectivement, c'est un peu décevant sa carrière en MMA. Overeem va chercher des victoires, mais pas contre les gros gars. Avant ça, ben, il y a un no contest face à Mirko Krokop où il avait dominé complètement, mais à mon souvenir, c'était quelques coups de genou dans les parties. Puis Krokop avait pas été en mesure de poursuivre le combat. Face à Mark Hunt, bon, encore là, une soumission. Face à Paul Buontello, là où il avait remporté son titre poids lourd du Strikeforce, c'était un coup de genou dans l'abdomen et Buontello avait abandonné. Alors, dangereux, quand même, en soumission, oui, il est pas piqué des verres. Overeem a vraiment tous les atouts pour être un combattant dangereux pour quiconque. Et effectivement, on regarde ça, Fujita devrait manger toute une raclée, mais on verra bien comment ça va se dérouler. Il y a tout sauf le vouloir en ce moment, parce que le combat aura pas lieu avant le mois de juin ou plus tard. Ouais, en MMA, tu veux dire face à Fedor? Ouais, exactement, parce que là, il y avait encore d'autres histoires cette semaine là que de son agent. Overeem, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est plus payant pour lui combattre en K1 que pour Strikeforce. Alors, vu qu'il n'y a pas de contrat exclusif, on peut pas vraiment le blâmer de prendre la décision qui est la plus payante pour lui. Je pense que Overeem essaye d'avoir un peu plus d'argent pour affronter Fedor. Ben, je pense qu'il a fait, il fait ça de manière intelligente. Puis effectivement, c'est peut-être un moyen de négociation également d'avoir l'occasion et la chance de pouvoir combattre dans d'autres organisations, puis de monter un peu son salaire s'il revient au Strikeforce, qu'il va faire, je pense, assez rapidement. Mais nous, malheureusement, pour les amateurs, il va falloir être patient. Maintenant, il y a une thématique lors de cet événement-là, puisque le Sengoku et le Dream unissent leurs forces ensemble, ainsi que le K1, pour faire un événement. Mais on a eu l'idée, pas nous évidemment, mais l'organisation, de faire des combats entre les deux organisations adverses, soit Dream face au Sengoku. Alors, on va commencer avec le combat qui oppose Katsuyori Shibata. Il a 31 ans, il fait 4 victoires, 6 défaites et un combat nul. Il affronte Hiroshi Izumi, qui lui est un médaillé d'argent aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004 dans les moins de 90 kilos. Il a perdu son seul combat qu'il a fait jusqu'à maintenant en MMA. C'était face à Hans Nansen, que je connais vraiment pas du tout. Il avait perdu par TKO. Je me souviens d'avoir vu ce combat-là où on avait vu un Izumi debout là, avec aucune technique, là, évidemment. Il avait perdu ce combat-là. Là, il affronte quelqu'un qui n'a pas nécessairement une très belle fiche en MMA. 4 victoires, 6 défaites et un combat nul, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est peut-être sa chance pour lui de repartir sa carrière en MMA sur la bonne voie. Toujours dans ce principe Dream face à Sangoku, il devrait y avoir un duel entre Kazuo Misaki, un gars très expérimenté, 33 ans, une fiche de 22 victoires, 9 défaites, 2 combats nuls et un no contest. Il a battu des gars dans sa carrière comme Dennis Kang, comme Dan Anderson. Il a gagné son dernier combat. Il a remporté de belles manières par guillotine face à Kazuhiro Nakamura qu'on a vu à quelques occasions dans le UFC où il avait perdu, je pense, tous ses combats. Et c'est celle défaite par TKO ou KO dans le cas de Kazuo Misaki. Il en a subi qu'une seule à travers toute sa carrière. Et c'était suite à une blessure au bras face à Nathan Marquardt. Alors que son adversaire, c'est un gars qui aime échanger debout, Melvin Manef, il a 33 ans. Alors les deux sont âgés de 33 ans. Une fiche de 23 victoires, 6 défaites et un combat nul. Avec, ça c'est assez incroyable, 22 de ses 23 victoires suite à un KO ou à un TKO. Alors évidemment, la puissance de ses mains, ses jambes également. Vraiment un véritable danger debout, Melvin Manef. Et là, ça va être intéressant de voir un Kazuo Misaki qui n'a jamais vraiment été knocké dans sa carrière, même s'il a affronté des gros cogneurs comme Dan Anderson. Et là, affronter un gars comme Melvin Manef qui a des vraiment là dans chacun de ses mains, il y a vraiment danger pour son adversaire. Je sais pas si tu as vu ce combat-là face à Evangelista Santos, le conjoint de Christian Santos, où Manef et Santos s'étaient échangés à un moment donné, plus de défensive du tout, et c'était coup pour coup, et Manef avait évidemment remporté ce combat-là, c'était un combat spectaculaire. Non, ça me revient pas en tête, je voulais dire, sauf pour Misaki. Moi, Misaki, c'est un gars que j'aime bien, parce que il y a une couple d'années, là, avec les chicanes entre lui et Akiyama, puis Sakuraba, tout ça, c'était pas mal mes années préférées, je dirais, de MMA au Japon. Alors, j'aime toujours revoir Misaki, qui est un vétéran, oui, à 33 ans, je pense que t'as dit qu'il y avait. Oui, oui, oui. Alors, c'est ça, je suis bien content de revoir Misaki rentrer dans la cage. Manoef, c'est un gars qui est principalement debout. Il est supposé peut-être affronter Robbie Lawler au gala Strikeforce de janvier, d'après les rumeurs. Alors, ça devrait être un bon combat, j'ai hâte de voir ça. Oh, hey, honnêtement, ce serait vraiment excellent. Puis je pense que le jeu de Robbie Lawler, ce sera ce qu'il nous a pas démontré dans ses derniers combats, puisqu'il y avait vraiment un avantage debout. Mais face à Melvin Manoef, évidemment, Robbie Lawler, ses chances ne sont pas debout. Puisque Manef, là, comme je l'ai dit, 22 de ses 23 victoires suite à un KO, un TKO. Il a 6 défaites dans sa carrière, donc 4 suite à des soumissions. Évidemment, a été soumis par Paulo Filho, ça fait pas très longtemps de ça, vous vous souvenez de ça. Face à Jegar Mousasi également avait été soumis, face à Akiyama également. Et puis face à un autre adversaire dont j'ignore son nom, mais il a été soumis 4 fois au cours de sa carrière en 6 défaites. Alors c'est évidemment là où il y a danger pour lui. Et ce qui est la chose la plus surprenante, c'est que, voyez-vous, il a perdu 6 combats, Melvin Manef, 4 fois par soumission, 2 fois par KO, à 22 de ses 23 victoires par KO. Alors, au cours de sa carrière, là, je ne sais pas s'il a fait une décision. Il y a un combat nul, alors j'imagine qu'il y a au moins une décision. Mais sinon, à 90% du temps, Melvin Manef ne se rend pas à la décision. Il sort agressif la plupart du temps. Ouais, ça va être un duel de choc. Ça. Misaki face à Manef. Misaki, plus raffiné, évidemment. Un gars qui va, on présume, tenter d'amener le combat au sol. Où là, évidemment, là, il y aura des bonnes chances de remporter le combat. Mais debout, ce ne sera pas facile pour lui. Alors, Hayato Sakurai, qui a vaincu à 2 reprises Shinya Aoki, dont une fois cette année, ou un grand coup de genou d'en face au sol, il avait remporté ce combat-là. Sakurai a 35 victoires, 9 défaites et 2 combats nuls. En juillet, il a perdu par KO contre Marius Zaramskis, qui lui avait infligé un coup de pied en plein d'en face, assez spectaculaire. Puis je vous l'ai dit, il a battu Shinya Aoki également cette année. Alors, une année constituée de haut et de bas pour Sakurai. Et là, il va affronter Akihiro Gono, qu'on a vu au UFC faire des performances pas nécessairement très spectaculaires, mais quand même de bonnes performances, et face à Dan Hardy. Ouais, c'est ça le problème. Lorsque ton entrée est plus spectaculaire que le combat, ça marche au Japon, mais pas au UFC. Il avait fait des performances face à Dan Hardy et John Fitch, poussant les deux combats à terme, perdant à chaque fois face à Dan Hardy par décision partagée face à John Fitch, évidemment. Fitch avait contrôlé l'entièreté du combat, avait remporté par décision unanime. Et en 2006, Gono peut se vanter d'avoir soumis par clé de bras Jegar Mousasi. Alors, 30 victoires, 15 défaites et 7 combats nuls pour Akihiro Gono. Ça, c'était un bon combat. Fred, c'est une prédiction pour ce combat. Ouais, ben, c'est deux vétérans japonais. Alors, moi, y aller avec Gono. Je pense que ça pourrait aller d'un bord ou de l'autre, là, mais je vais y aller avec Gono, qu'il me fait sourire à chaque fois qu'il rentre. La dernière fois, il avait pas fait une super entrée. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il s'est fait mettre KO contre Dan Arnbuckle, à moins qu'il y avait un autre combat entre les deux, là. Je suis pas sûr, là, mais quand je me rappelle du combat contre Dan Arnbuckle, puis il avait pas fait une super entrée comme il nous a habitués. Alors, j'espère qu'il va revenir avec une belle entrée pour le Gala Dream en plein pour la nouvelle année. Ah, moi, j'aime mieux les sorties spectaculaires. comme sur civière? Ah, peut-être pas sur civière quand même, mais on va passer au prochain combat. Shinya Aoki et Mizuto Hirata. Aoki, c'est l'un de mes préférés. J'aime bien le gars. Spectaculaire au sol. Go-go plata. N'importe quelle soumission. Il peut te sortir ça à n'importe quel moment. La dernière fois, face à Joakim Hansen, avait réussi une clé de bras. D'ailleurs, il l'a vaincu à deux reprises, Hansen. Une fois, je pense, par go-go plata. Sa deuxième fois par clé de bras. Entre-temps, il avait perdu un duel face à Joakim Hansen. Mais là, je pense, c'est fait. Il n'y aura plus de duel entre les deux, puisqu'Aoki en a remporté deux d'affrontements face à Joakim Hansen. Il a perdu deux affrontements en carrière face à Hayato Sakurai, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien sous Yuki Nakai, dont je vous ai déjà parlé dans le passé. Nakai a perdu l'usage d'un œil lors d'un combat de MMA face à Gordo, là, dont j'ai oublié son prénom. C'était pas un Français, là. Gérard ouais. Gordo, l'Autrichien. Du premier UFC. Ouais, ben, je pense que c'est pas un Autrichien, là. Je pense que c'est un Hollandais, mais c'est peut-être. Ouais, en tout cas, vérifié, là. Il avait participé au premier UFC également, Gérard Gordo. Et face à Aoki, avait volontairement fait le coup, comme dans la WWF, là, dans notre époque, en aveuglant son adversaire. Et bon, malheureusement, Nakai a perdu l'usage d'un œil après ça. Puis lors de la même soirée, il avait quand même réussi à battre Gordo, même s'il avait perdu l'usage de son œil. Évidemment, ça devait être souffrant, imaginez-vous ça. Et avait poursuivi, puisque c'était un tournoi à ce moment-là, avait poursuivi après sa victoire face à Gordo, un affrontement face à Rickson Gracie, bon, le plus grand des grands au sol. Puis Nakai avait, je pense, poussé le combat après plusieurs minutes, avait perdu. Puis en plus, il concédait beaucoup de poids à Rickson Gracie. Alors, Nakai, c'est un vrai guerrier. Et Shinya Aoki, également, âgé de 26 ans seulement, 5 pieds 11 pour 155 livres, 22 victoires, 4 défaites, dont évidemment 2 contre le même adversaire qui est Hayato Sakurai. Mais 13 de ses 22 victoires par soumission, a soumis des gars comme Joakim Hansen, évidemment, à 2 reprises. Eddie Alvarez également, je pense que c'était en 2009 également, une clé de talon, si je ne me trompe pas. Alors, vraiment très dangereux au sol. Et je pense qu'on aura la chance de le voir également pour Strikeforce, peut-être, cette année, Fred. Hein? Oui, ben, d'après les rumeurs, mais moi, avec Strikeforce, tant que c'est pas annoncé, je le crois pas. Puis je pense que c'est mieux comme ça. Là. Mais oui, d'après les rumeurs, Shinya Aoki pourrait être là au mois de mars ou au mois d'avril chez Strikeforce et affronter Gilbert Melendez, ce qui serait un excellent combat, je pense. Si Melendez réussit à garder le combat debout, il peut peut-être battre Aoki. Une fois au sol, Melendez est excellent, mais Aoki est à un autre niveau, je pense. Alors, ça serait vraiment intéressant comme match-up. Oui, mais même au sol, Melendez est très fort physiquement. Ce serait pas facile pour Shinya Aoki, qui est plutôt chétif, mais ce serait un duel intéressant. Tu penses, tu vois, regarde, moi je regarde Melendez puis je le trouvais un peu grassouillet. Je me demandais quasiment s'il pouvait descendre à 145. Ouais, non, mais il est un peu gonflé, mais quand même, il est fort physiquement, puis... Oh, et ça, j'en doute pas qu'il peut me mettre au dodo assez vite. Ah, puis bon, ben évidemment, on va vous parler un peu de l'adversaire de Mizuto, Hirota. Faut dire qu'Aoki, lui, c'est le champion du Dream, puis Hirota, c'est le champion de Sengoku. Il a 12 victoires, 3 défaites et un combat nul, avec 8 de ses 12 victoires par KO. Il a remporté des victoires là, dernièrement face à Mitsuhiro et Ishida et Satoru Kitaoka, les deux par KO. Oh, on poursuit maintenant. Toujours Dream face au Sengoku. Tatsuya Kawajiri, 25 victoires, 5 défaites, 2 combats nuls et 3 victoires, aucune défaite en 2009, dont une victoire par décision face à Jesias Cavalcante. Il affronte Kazunori Yokota, 11 victoires, 2 défaites, 3-0 lui également en 2009, dont une victoire par décision partagée face à Leonard Santos, plutôt, qui est le demi-frère de Wanyi Fabiano, qui est un représentant évidemment de la Nova Uniao. Et il a également remporté un combat par KO face à Ryan Schultz. On poursuit avec un affrontement entre Hideo Tokoro, 25 victoires, 21 défaites et un combat nul. En 2006, il a perdu contre Ivan Mangivar, le Québécois d'origine salvadorienne, dont on a reçu une entrevue il y a quelque temps. Son adversaire, Marlon Sandro, 15 victoires, une seule défaite. C'était en 2009, sa défaite, et c'était controversé. Une décision, je pense, que les juges avaient peut-être favorisé le Japonais, comme malheureusement, on le voit assez souvent au Japon, où on avait donné la victoire à Michiro Omigawa. Maintenant, on y va avec, justement, ce dernier, Michiro et Omigawa, qui est un spécialiste en judo, qui s'entraîne avec Hideiko Yoshida. Il a battu Atsuyoki par décision partagée à son dernier combat. Ça, c'était quand même une surprise. Il a une fiche de 8 victoires, 8 défaites et un combat nul. Il va affronter Hiroyuki Takaya, qui a 12 victoires, 7 défaites et un combat nul. Maintenant, Okid Yamamoto, Norifumi de son prénom, il a 32 ans, 5 pieds et 4 à peine. Il a perdu cette année un combat vraiment où tout le monde a été surpris de le voir perdre ce combat-là face au lutteur américain Joe Warren. Il l'avait perdu, il me semble, par décision. Avant ça, je pense son dernier combat remontait en 2007, puis en 2008, il a tenté de faire les Olympiques en lutte, mais bon, une blessure au coude l'a empêché de le faire. Alors, c'était en 2009 son combat face à Joe Warren, son premier combat depuis 2007. En 2007, il a réussi à remporter des combats face à des gars que vous connaissez ou vous avez entendu parler, si vous écoutez notre émission fréquemment. Un gars comme Rani Yaya, un spécialiste du sol, Yamamoto l'a vaincu. Royler Gracie, bon, évidemment, vous le connaissez, là, Royler Gracie de la famille Gracie. Il a vaincu également Genki Sudo, Kahal Uno, tous des gars qui sont beaucoup plus gros que lui. Alors, attention, Yamamoto, quand il est en forme, toujours très dangereux. Une fiche de 17 victoires, 2 défaites, aucun combat nul et un match no contest. Il va affronter Masanori Kanehara, qui est le champion du Sengoku. 14 victoires, 6 défaites. Il a battu, par décision partagée, Michiro Omigawa, dernièrement Fred, t'allais dire. Oui, j'allais dire pour Yamamoto, il y a environ 2 ans, moi qui étais amateur de WEC, on voulait absolument voir Uriah Faber et Yamamoto. Il y avait un peu de discussion à savoir qui était le meilleur, peut-être à 145 livres. Malheureusement, Yamamoto a été pas mal inactif dans les 2 dernières années, là, mais tu as raison, c'est un excellent combattant. Oui, puis moi, je pense, si on le voit à la WEC, il va falloir le voir à 135, là. Il mesure que 5 pieds et 4, là. C'est un nain. Ouais, ben c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y avait pas mal moins de talent dans la division, là. Alors maintenant, il pourrait sûrement faire mieux à 135. Même chose pour Uriah Faber, qui pourrait peut-être aussi descendre à 135, parce que si on le regarde comparé à Mike Brown, tout ça, Mike Brown était pas mal plus gros. Alors ouais, tout court à ce poids-là, les divisions commencent à se remplir de talent. Et un gars comme Yamamoto, il y a 2 ans, était dans les meilleurs, mais là, il a perdu un peu de lustre. Alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire. Ah, quelques autres combats à vous mentionner. Il y aura des combats en règle de K1. Alors évidemment, on va pas au sol dans ce moment-là. Il y a Masato, je pense, ce sera son dernier combat. Il me semble que j'ai entendu cette année qu'il voulait prendre sa retraite. Un gars qui a été champion à 2 reprises du K1 World Max. le K1 World Max, c'est un peu comme la finale du K1 World Grand Prix qui a lieu à chaque année, mais pour les divisions un peu moins lourdes, ben beaucoup moins lourdes en fait. Masato l'a gagné à 2 reprises. Il a 2 défaites en carrière face à Andy Sauer, qui sera son adversaire justement. Alors son adversaire Andy Sauer, lui, l'a remporté également à 2 reprises le K1 World Grand Max. Alors c'est vraiment deux gars parmi les meilleurs au monde dans les petites divisions de poids. En pieds et poings, ça va être spectaculaire. Masato, c'est sa chance, probablement la dernière occasion qu'il a d'aller chercher une victoire face à Andy Sauer. Maintenant, il y a Ray Seifo, le vétéran, qui a fait un combat à MMA cette année, qu'il avait remporté. Mais là, ce sera un K1. Il devrait affronter Yosuke Nishihima. Ça sonne vrai comme ça. C'est un gars qui a une carrière en boxe professionnelle, surtout de 24 victoires, 2 défaites, un combat nul. En K1, il a fait qu'un combat, il avait perdu face à Peter Hurts. En MMA, il a fait 5 combats, il a tous perdu. Alors, pas un champion, notre ami. Mais évidemment, un gars qui a une bonne boxe face à Ray Seifo. Mais Ray Seifo, il est tellement bon pour encaisser. Il peut encaisser des coups assez incroyables. Et évidemment, il y a dans son coffre d'outils les jambes que Nishima n'a probablement pas, puisque, évidemment, c'est plutôt un bagage en boxe. Ça peut être un combat intéressant. Ray Seifo, par contre, dans ses derniers combats en K1, n'a pas été impressionnant. Il a remporté seulement 3 victoires dans ses 10 derniers combats en K1. Finalement, on vous parle d'un combat qui pourrait avoir lieu entre Jegard Musashi, l'athlète de 24 ans qui, en 2008, a battu Musashi à son seul, sa seule expérience en K1. Et là, il pourrait affronter le Canadien Gary Goodridge, qui a 43 ans, qu'on a vu beaucoup au Pride. Je pense qu'il a même combattu au UFC en K1. Le gars a beaucoup d'expérience, mais il est vraiment dépassé, lui, par la jeunesse, Gary Goodridge. Mais il offre tout le temps des performances plutôt spectaculaires. En MMA, il a une fiche de 23 victoires, 20 défaites et un combat nul. En K1, 12 victoires, 21 défaites et 2 combats nuls. Alors, pas très convaincant son histoire. Il a perdu ses 10 derniers combats en K1 et ses 5 derniers combats en MMA. Alors là, expliquez-moi, c'est quoi le but de voir Jegard Musashi, qui a vraiment rien à gagner en battant Gary Goodridge, si ce n'est qu'évidemment qu'un salaire qui devrait, j'imagine, être attrayant. Mais vraiment, là, puis en plus, le danger quand Goodridge a une main arrière très lourde. Alors, ce combat-là, c'est pas confirmé, je pense, à 100%, mais s'il a lieu, je vois vraiment aucun avantage pour Jegard Musashi. Et en plus, je pense qu'il va peut-être combattre en boxe, si j'ai bien vu, sur le MMAnouvelle.com. Ouais, ben en ce moment, c'est une rumeur pour la boxe. Et pour ce que tu as dit à propos de son combat avec Gary Goodridge, je suis amplement d'accord. À part sur le point que tu as dit que Goodridge est dangereux, d'après moi, Goodridge n'est plus dangereux. Musashi devrait le battre assez facilement. Mais non, c'est surtout qu'il n'y a aucun intérêt. Ça veut rien dire une victoire face à Gary Goodridge pour Musashi. Non, effectivement, mais tout peut arriver. Une main lourde, Goodridge, bon, évidemment, là, on le voit beaucoup plus habitué de frapper l'air que frapper quoi que ce soit. Mais si jamais, par tout hasard, il y a une partie du corps de Musashi, comme son menton, disons, qui se présenterait devant un large crochet de Goodridge qui apparaît évidemment irréalisable. Mais si jamais il touche au début du combat, évidemment, parce qu'après 30 secondes, Goodridge il est déjà tout près d'un infractus, là. Mais disons que dans les premiers crochets, large que Goodridge lance, puis qu'il atteint la cible. Évidemment, tout peut se passer. Effectivement, à 43 ans, notre ami Goodridge... Si jamais le combat devient officiel, je le rajouterai au pari virtuel. Tu pourras mettre ton demi-crédit que t'as sur Gary Goodridge. Oh là là. Ben, c'est pas mal ça. Sinon, il y a le tournoi aussi, je pense, des moins 18 ans encore. Hein, mais ça, on s'en fout tellement. Quand même intéressant, il y a peut-être des combats qui vont se rajouter d'ici là, peut-être d'autres combats qui se concrétiseront pas. On espère vous avoir fait un beau survol de l'événement. Soyez vigilants et surveillez MMAnouvelle.com pour tous les dénouements de cet événement-là. Et également, vous pouvez faire quelques paris virtuels qui peuvent être très intéressants, très avantageux, s'il y a une surprise notamment. Ma prédiction, Gisèle, ce sera une entrée victorieuse dans l'univers du MMA. Pour Satoshi Ishii, même pendant le temps des fêtes, j'ai osé déranger évidemment ma voyante personnelle et elle me dit il n'y aura pas de doute là. Satoshi Ishii remporte son premier combat à MMA face à Hideko Yoshida. Puis il y a même d'autres combats sur lesquels vous pouvez miser également. Ouais, pour le moment, il y a 4 combats. Je pense que ça va rester à 4 pour le gala Dynamite parce que justement, on ne sait jamais exactement tous les combats qui vont être officiels. Alors, si jamais il y a un autre gros combat qui est vraiment officiel, je le rajouterai. Et sinon, en ce moment, je suis en train de rajouter les cotes pour l'UFC 108 et en revenant de la pause, peut-être que je te dirai qui est favori entre Thiago Silva et Rashad Evans. Évidemment, c'est Rashad Evans. Et par beaucoup ou par pas beaucoup, tu penses? Ah, par la peau des fesses, je dirais. Ça devrait être un bon combat, t'as raison. Ouais, mais il, pour avant de passer à la pause, là, est-ce qu'il y a quand même moyen de miser sur Shinya Aoki? Je pense que non. Hein. C'est parce que, d'après moi, ça, la cote aurait été tellement grosse que elle valait pas la peine. C'est pour ça que je l'ai pas mis. J'aurais mis Shinya Aoki par tellement favori que ça aurait pas... était très très beau alléchant. Ah ben d'accord, quand même, c'est le bookmaker qui parle. Et là-dessus, nous, on reprend notre souffle, un breuvage du temps des fêtes. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, je laisse ça à votre discrétion. Café sinon, cognac. Pour vous... Oui, puis je sais pas s'il y a moyen de mettre une petite musique de Noël, je sais pas. En tout cas, on revient dans quelques secondes. Thank you. Oh, vous avez fait le bon choix durant le temps des fêtes. On écoute toujours la voix des guerriers. Et on est là maintenant pour vous parler du UFC 108 qui aura lieu à Las Vegas, évidemment, la maison mère du UFC. Ce sera le 2 janvier, donc samedi prochain. Un événement, on en jugera par nous-mêmes là au cours des combats dont on va vous mentionner si c'est intéressant ou pas. Commençons déjà avec le combat principal qui oppose Rashad Evans, partenaire d'entraînement de Georges St-Pierre, notamment, qui s'entraîne évidemment avec Greg Jackson au Nouveau-Mexique. Il va affronter Thiago Silva, évidemment un combat dans la catégorie des 205 livres. Fred, parle-moi de ce duel-là. Ben, ça devrait être un bon combat. Moi, je suis pas grand amateur des deux gars. C'est d'excellents combattants. Je sais pas, Rashad Evans, c'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est juste que c'est pas un de mes préférés. Et même chose pour Thiago Silva. Mais même à ça, j'ai quand même beaucoup d'intérêt en tant qu'amateur pour voir les deux qui vont s'affronter dans un combat. Je dirais que oui, Rashad est sûrement favori. Mais je peux voir Thiago Silva l'emporter. Là, Thiago Silva, c'est un excellent combattant. S'entraîne avec une très bonne équipe aussi. Et debout, il a pas peur. Alors, d'après moi, il va pousser l'action à Rashad. Et Rashad, on va voir. Rashad aime bien d'habitude les gars qui sont agressifs. Justement, contre Machida, Machida était pas agressif. Et Rashad, lui, a essayé d'être agressif. Puis ça a pas vraiment marché pour lui. Alors, j'ai hâte de voir là, contre un gars qui a un style qui peut aller bien pour Rashad, voir si Rashad va se remettre de son KO. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, alors je suis content de le revoir quand même. C'est un combat-là, il y a un attrait, je trouve. Ouais, effectivement, les deux n'ont subi qu'une seule défaite en carrière, puis à chaque fois, dans les deux cas, c'était face à Lyoto Machida. Alors évidemment, là, on parle d'un gars qui est invaincu jusqu'à maintenant. Sinon, ce ne sont que des victoires, si ce n'est qu'un combat nul également pour Rashad Evans face à Tito Ortiz. Et Silva également, sa seule défaite face à Machida, depuis, a eu l'occasion d'affronter Keith Jardine. Et en moins de 2 minutes, c'était terminé. Bouquet, il avait remporté son combat par TKO face à Keith Jardine, qui est évidemment un partenaire également d'entraînement à Rashad Evans. Et il y a une histoire là-dedans. Là, évidemment, Evans va vouloir venger son coéquipier. Et est-ce que ce sera le cas? C'est difficile à en juger. Au sol, évidemment, Thiago Silva, c'est une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Mais est-ce que Silva peut amener Rashad Evans, qui a beaucoup d'expérience au sol? Ça va être difficile. Mais Evans, si lui prend l'initiative d'amener le combat au sol, peut être très dangereux. On l'a vu face à Forrest Griffin, des mains très lourdes. C'est pas le genre de gars dont vous voulez recevoir ses coups de poing, surtout lorsque la force de gravité fait en sorte que le gros Rashad est au-dessus de vous puis vous lance ses bombes. Ça peut faire très mal. Debout, c'est pas nécessairement deux stylistes. Malgré que Silva, c'est un combattant de Muay Thai qui performe relativement bien, mais il ne connaît qu'une direction. J'aime bien son style debout à Silva, comment qu'il avance. C'est sûr que c'est très agressif, là, mais il a de l'air d'un gars déterminé, je trouve. J'aime bien ça. Ouais, c'est ça, mais on l'a vu face à un gars comme Lyoto Machida qui a un bon jeu de pied. Ça suffisait pas seulement d'avancer tout droit. Machida l'a touché à chaque fois. Puis je pense que Silva n'a pas réussi à le toucher une seule fois durant le combat. Puis Silva a été sonné 2-3 fois durant le combat, dont à la fin du premier engagement, à la toute fin, où Machida avait fermé les livres. Alors Rashad Evans, lui aussi, nécessairement pas un grand, pas très raffiné debout, mais une bonne boxe, une main arrière très lourde comme plusieurs lutteurs. Un crochet de la main avant qui n'est pas piqué des verres. On l'a vu infliger des KO sévères face à Chuck Liddell notamment. Évidemment, là, c'était toute une correction. Forrest Griffin, elle a mangé toute une au sol également. Alors, des mains très puissantes, Rashad Evans. Je pense même qu'il y a déjà mis KO un adversaire avec un coup de patte d'en face. Là. Je me souviens plus du combat fini ouais, de son adversaire. J'ai oublié son nom, là, mais un tigreau, là, ouais. Un tigreau. Alors, intéressant ce duel-là, mais je pense que Rashad Evans, en plus, il peut absorber des coups là incroyables. Si ce n'est que face à Lyoto Machida qui a réussi à placer quelques bonnes taloches, mais sinon là, on l'a vu rarement ébranlé. C'est un gars avec une mâchoire en acier, une volonté de fer. Mais là, on va le voir à son retour après un KO, parce que Rashad Evans, on l'a tout le temps vu assez arrogant, pas à l'extérieur de l'octogone, mais à l'intérieur arrogant, faire des petits mouvements d'œil, même quand il recevait un coup qui lui avait fait mal, se permettait une petite boutade, là, un petit truc pour démontrer à son adversaire. Aïe, aïe, je me suis mordu la langue, là. Quelle souffrance. À son adversaire qui avait pas vraiment mal. Mais là, est-ce que cette arrogance-là, qui l'a aidé, je pense, dans le passé, dans ses affrontements, bien, il va avoir perdu ça, cette confiance qu'il avait, puisque, bon, on l'a vu, le Machida le dominer complètement debout. Ça va être intéressant de voir si Rashad Evans va être tout aussi confiant qu'il l'a déjà été dans le passé. Ouais, ça, c'est sûr. Après un gros KO, faut toujours s'y remettre. Mais, sais-tu quoi, il y a eu beaucoup de temps pour se remettre. Je pense aussi, il y a eu d'autres histoires à penser, que ce soit Rampage. Et aussi, il y a une excellente équipe autour de lui. Alors, je m'en fais pas trop pour Rashad Evans. D'après moi, il va sortir fort samedi prochain. Oui, effectivement. Et Fred, dis-moi, est-ce qu'on y va de nos prédictions tout de suite ou y aura-t-il une émission spéciale? Je sais pas, on n'a pas parlé encore. Là. Moi, à vrai dire, je suis pas. J'ai du temps de libre cette semaine. On pourra en discuter plus tard, là, si tu veux. Mais moi, je suis prêt pour faire une émission spéciale, si tu veux. On est coquins, on se permet des conversations personnelles comme ça. Moi, je vais quand même y aller tout de suite avec une prédiction, quand même, pour me faire plaisir. Et j'y vais avec Rashad Evans, qui va remporter ce duel-là, parce que je pense qu'il a les mains beaucoup plus puissantes que Thiago Silva. Ah, là, tu me mets au pied de la colline, parce que, comme je te dis depuis le début, je vois que ça pourrait aller d'un bord ou de l'autre. Je pense que Rashad Evans aussi devrait l'emporter, mais je serais pas surpris si Thiago Silva l'emporte. Oh, ça, c'est... Ça, c'est politiquement, là, tu sais, ça coche, là. Aïe, aïe. Maintenant, dans la catégorie des 170 livres, on a Dustin Nazareth, qui est un grand garçon, au moins 6 pieds 1, sinon peut-être un peu plus. Il a une ceinture noire en jujutsu sous les ordres de George Gargell. Il n'a que 23 ans, 12 victoires, 4 défaites, 9 de ses 12 victoires suite à des soumissions. souvenez-vous de belles soumissions dans le passé qu'il a fait subir à Josh Berkman, Tamdam McCrory, ça c'était spectaculaire, en 2008 face à Tamdam McCrory. Il a perdu contre Josh Koscheck. Koscheck, évidemment, était beaucoup plus fort, je pense, physiquement. Et c'était servi de ses coups de puissance, évidemment, pour remporter le duel. Et là, il affronte un gars qui se débrouille très bien debout, surtout. Paul Daly, 5 pieds 9, alors beaucoup plus petit, 26 ans. C'est un Anglais, 22 victoires, 8 défaites, 2 combats nuls. Il a 17 de ses 22 victoires par KO. Et il a 5 de ses 8 défaites par soumission. Il a battu, dans son combat d'entrée dans le UFC, Martin Kapman. Bon, regarde, là, je vais prendre position et je vais te dire Dustin Hazlitt par soumission au premier round en dedans de 90 secondes. Je peux pas être plus fort que ça. Ouais, Hazlitt va remporter le combat, moi aussi, je pense, mais j'espère que ça se terminera pas aussi rapidement, par contre. Et je pense pas que ça se termine rapidement. Ouais, ben, alors, regarde, Daly avait surpris Kampman, c'est ça, à ses débuts, et il avait montré d'excellentes mains debout. C'est surtout que là, Hazlitt arrive à la dernière minute comme remplaçant. Et Hazlitt est tout un combattant debout. Alors, je sais pas si Daly va être prêt pour ce genre de match-up-là qui est pas à son avantage, je pense. Mais il a montré beaucoup de courage. Voyons, j'essaie de me rappeler, c'était Carlos Condit qui était supposé d'affronter, c'est ça. Et quand Carlos Condit avait déclaré forfait, Daly avait dit directement au début, même Dustin Hazlitt, je suis prêt à l'affronter, même s'il y a un excellent sol. Alors, Daly montre du courage, c'est juste, je pense que c'est peut-être pas un très bon match-up pour lui en ce moment. Oh, as-tu dit qu'Hazlitt était bon debout? Non, j'ai dit Daly est bon debout, puis okay, okay. Hazlitt est bon au sol. Ça se peut que je sois un petit peu mélangé à ma tête. Avant ça, parce que je pense Daly debout, là, il domine complètement Hazlitt. Mais oh, attends, ouais, non, c'est ça, je voulais dire. Je m'excuse si j'ai dit le contraire. Ah, ouais, c'est le temps des fêtes pour tout le monde. Hein? Ouais, ça se peut. On est dans les petits tomes du UFC maintenant à 155 livres. Le Canadien Sam Stout qui s'entraîne avec Sean Tompkins depuis tout le temps. Il a 14 victoires, 5 défaites, 8 de ses combats se sont rendus à la décision. Alors, un habitué des combats spectaculaires. Souvenez-vous, bon, il a été soumis deux fois dans sa carrière, Sam Stout, face à Jay Estrada et Kenny Florian. Il me semble les deux fois, c'était par étranglement arrière. Mais à trois reprises dans le UFC, le combat de la soirée, dont deux fois contre Spencer Fisher, lequel il est allé chercher une victoire et une défaite face à ce même adversaire-là. Son dernier combat, il l'a remporté face à Matt Women. Alors, un gars qui se rend à la décision souvent, il affronte Joe Lauzon, 25 ans, un autre jeune homme, 18 victoires, 4 défaites, au sol, dangereux, dont 14 de ses 18 victoires par soumission. Et lui, il n'a jamais fait de décision, Joe Lauzon. Il a perdu contre Ivan Menjivar en 2005, je pense par soumission. Alors, un duel de jeunes hommes qui peut être très intéressant, qui peut être très spectaculaire, puisque Sam Stout, au sol, il se débrouille. C'est pas le gars qui, évidemment, il va pas soumettre Joe Lauzon, ce serait toute une surprise, mais il peut se sortir de position périlleuse et de rendre ce combat-là excitant au possible. Ouais, ben, regarde, moi, je vais te dire, j'aime beaucoup les frères Lauzon. Leur jiu-jitsu est excellent, je trouve. Alors, moi, je vais y aller avec Joe Lauzon par soumission, d'après moi. Sam Stout, comme tu dis, il est très dur, très, très tough. Il pourrait rendre ça très intéressant aussi. Oui, effectivement. Moi, je vais avec. Je vais y aller avec Sam Stout, puisque c'est un Canadien, puis je l'aime bien, mais ce ne sera pas un combat facile pour lui, mais debout, peut-être toujours très dangereux. Alors, souhaitons la victoire du Canadien Sam Stout. Toujours dans la même catégorie de poids, il y a Jim Meller. Lui, il a 26 ans, 15 victoires, 2 défaites, avec 9 de ses 15 victoires par soumission. Il a perdu ses deux combats par décision face à des gars, évidemment, très dangereux dans sa catégorie de poids. C'était Frankie Edgar et Gray Maynard. Non, c'est les deux seuls gars qui ont réussi à battre Jim Meller. Les deux fois, c'était par décision. Et là, il affronte Dwayne Ludwig, cogneur. Il a 31 ans, 18 victoires, 9 défaites. Il a perdu son dernier combat par Bulldog Choke face à Lyle Burboom. C'était pas au UFC, mais Bulldog Choke, c'est rare qu'on voit ça, mais à chaque fois, ça fait mal partout, ce genre de soumission-là. Si je me trompe pas, il y a Jonathan Goulet qui en avait réalisé une face à Shawnee Carter au Québec. Alors, c'est un duel plus ou moins intéressant. Je dirais quand même le gars Jim Meller, qui est surtout dangereux au sol, Dwayne Ludwig, qui, surtout très dangereux debout. Ouais, ben, regarde, j'ai déjà mentionné mon opinion sur l'ensemble de la carte UFC 108. C'est pas un mauvais combat, je suis sûr que ça va donner un bon spectacle. C'est juste sur papier, je pense que c'est peut-être plus un combat de cartes préliminaires, là, mais on va voir, les deux pourraient nous donner le combat de la soirée, on sait jamais avec le MMA, ça peut toujours arriver. On est dans les gros maintenant, la catégorie poids lourde. Junior Dos Santos qui s'entraîne avec les frères Nogueira, et évidemment, par la même occasion, Anderson Silva. Il a 9 victoires, 1 défaite. Au UFC, il a battu Fabricio Werdum. C'est une surprise incroyable. Il a battu debout Mirko Krokop. Il a également défait Stéphane Struve. Et là, il va être opposé à Gilbert Evil, qui sera, je pense, à son premier combat au UFC. On l'a vu dans plein d'autres organisations, dont Pride. Il a 33 ans, mais il me semble que ça fait 50 ans qu'il combat. On l'a toujours vu. En tout cas, moi, j'ai toujours vu un peu partout. Il a 36 victoires, 13 défaites, un combat nul et un no contest. Son no contest, je pense, c'était face à Don Fry, si je me trompe. Non, face à Wanderlei Silva, je pense, un coup dans les parties, puis il n'avait pas été en mesure de poursuivre le combat. Il a 31 de ses 36 victoires par KO. Souvenez-vous, c'est KO qu'il a infligé à Gary Goodridge. Coup de patte en plein sur la tempe au tout début du combat, et ça s'était terminé ainsi. Il a mis KO également d'autres pugilistes qui aiment combattre debout, comme Pedro Rizzo. Et je vois également sur sa fiche une victoire par TKO face à Chuck Congo. Un combat, malheureusement, que je n'ai pas vu. Mais quand même, Gilbert Ivel, debout, il n'est pas piqué des verres. Junior Dos Santos, on l'a vu également, des mains rapides, alertes, fluides. Ça peut être un duel spectaculaire. Oui, et si jamais le Québécois Yves Lavigne travaille samedi, on va lui souhaiter que ça soit pas ce combat-là, juste au cas où, là. Effectivement, Gilbert Ivel, dans le passé, a déjà démontré Pas nécessairement un bon esprit sportif. Je pense face à Don Fry, il avait mis les mains dans les yeux ou on l'a vu tenter des manœuvres plus ou moins correctes. Ouais, et même attaquer un arbitre aussi là une fois là. J'essaie de me rappeler là, mais il a attaqué un arbitre ou bien un combat de K1 ou bien un combat de MMA là. Par contre, moi honnêtement, dans son duel face il y a pas si longtemps, Josh Barnett. J'ai eu un peu plus d'estime depuis face pour Gilbert Ivel parce qu'il a mangé une volée tout le long du combat au sol, mais il avait démontré beaucoup de cran. Ouais, il a réussi à survivre au sol. Parce que moi en tout cas, je regarde souvent ça comme ça. Tu sais, Gilbert Ivel, c'est un gars debout et il y a plusieurs gars comme lui. Je suis toujours intéressé à savoir s'ils sont au moins capables de survivre une fois sur le dos. Parce que d'après moi, travailler de son dos, c'est un aspect en soi du MMA. Puis il y a beaucoup de gars que c'est ou bien un inconnu ou bien on sait pas s'ils sont capables de travailler de leur dos. Alors, contre Josh Barnett, Gilbert Ivel, il a montré qu'il pouvait survivre au moins quand il était sur son dos. Et debout, là, contre Junior Dos Santos, ça devrait offrir un bon combat parce que Dos Santos nous a montré de la belle boxe. Si ça va au sol, ben Dos Santos a sûrement le jiu-jitsu pour s'occuper de Ivel. Mais si le combat peut rester debout un peu, on pourrait avoir le droit à de l'action, je pense. Oui, puis on a vu Dos Santos dominer un spécialiste debout en crocop. Là, évidemment, tout l'avantage du côté de Dos Santos, mais le vétéran Ivel peut donner un combat intéressant. Maintenant, on a Martin Kapman, 15 victoires, 3 défaites. Il a perdu son dernier combat face à Paul Daly, justement. Il va affronter Jacob Volkman, 9 victoires, 1 défaite. Il a perdu également son dernier combat. Et c'était face à Paulo Thiago, et ça fait pas très longtemps. Alors, un duel dans les 170 livres, qui n'a pas vraiment beaucoup d'incidence dans nos vies, hein, disons-le ainsi. Ouais. Ben, ça va être sur Spike TV, il me semble, ce combat-là. Oui. C'est ça, alors au moins ça va réchauffer la soirée. Puis c'est deux gars qui avaient Kampman il y a un an environ, je l'aimais bien. Puis quand il a perdu contre Daly, il a descendu beaucoup dans ma vue, si on veut. Et Volkman, il a affronté, j'ai oublié qui, à son dernier combat, mais je me rappelle qu'il avait été impressionnant. Paulo Thiago. Exactement, on l'avait mentionné le lendemain que Volkman avait quand même bien fait. Alors, ça peut être intéressant. Dans le MMA, on n'a pas toujours besoin de voir les meilleurs combattants pour avoir le droit à un bon duel, surtout quand c'est présenté gratuitement à la télé. Oui, et un autre combat présenté gratuitement à la télé, ce sera celui entre Cole Miller et Dan Lauzon. Alors, les deux frères Lauzon seront en action. Miller, c'est un gars de l'American Top Team, 15 victoires, 4 défaites, 10 de ses 15 victoires par soumission. Là, on présume qu'il y a un bon bagage au sol. Il a perdu son dernier combat face à Efren Escudero. Et là, il affronte Dan Lauzon, un autre spécialiste au sol, pas très vieux, 21 ans seulement, 12 victoires, 2 défaites, sur une séquence de 8 victoires consécutives. Poursuivons maintenant. Ce sont les combats qui sont sur Spike TV. Si on est chanceux ou malchanceux, en tout cas, voyez ça de la manière dont vous voulez. S'il y a un combat qui pourrait se terminer trop rapidement, évidemment, on aura l'occasion de voir peut-être l'un des combats dont on va vous mentionner dans les prochains instants. Peut-être celui dans la catégorie des 205 livres entre l'expérimenté, le vétéran de 38 ans, le Bélarus Vladimir Matyushenko, qui a 23 victoires et 4 défaites. Il a commencé sa carrière en 1997. Et je pense son deuxième combat en carrière, c'est face à un Québécois, Robert Lalonde, un judoka. Et Matyushenko avait remporté le combat. Il a déjà eu l'occasion de combattre dans le UFC dans le passé. Il a fait un retour récemment. Une fiche de 4 victoires, 2 défaites au UFC. Il affronte Steve Cantwell, qui n'a que 23 ans. Il a débuté en 2005. Alors, on voit quand même le bagage d'expérience immense que Matyushenko a à son avantage. Du côté de Cantwell, 7 victoires, 3 défaites, dont 2 défaites face à Brian Stone et également une autre face à Louise Kane. Il est sur une séquence malheureuse de 2 défaites consécutives. Ouais, peut-être une troisième pourrait être la sortie pour lui, ou parce qu'à 205 livres, il y a tellement de compétition qu'on ne peut pas se permettre 3 défaites de suite, d'après moi. Oui, d'accord avec toi. Puis Matsushenko a 38 ans, l'expérience de son bord, ça peut être un combat, je pense. Moi, c'est un combat qui m'intéresse quand même, voir le vétéran Matsushenko, même si je pense à son retour au UFC, il n'a pas été spectaculaire. Ouais, mais tu vois, j'étais un peu déçu. Son premier combat, c'est peut-être mieux qu'on l'ait pas vu. Mais là, c'est son deuxième combat depuis le retour. Puis les deux fois, on l'a pas mis sur Spike TV. Je me rappelle aussi à l'autre gala. Je me rappelle plus quel gala, mais je sais qu'il y avait des combats à Spike TV. Puis on l'avait pas plus présenté. Moi, j'aimerais bien voir Matyushenko. Qu'est-ce qu'il a de l'air dans son retour? Effectivement, mais c'est un gars, tu sais, il remporte ses combats, mais pas le gars spectaculaire, là, pas le gars charismatique non plus. C'est un col bleu, mais efficace. Ouais, c'est plus pour les amateurs hardcore là, qui c'est ceux qui suivent depuis longtemps, qui vont vouloir le voir sûrement. Oui, Mark Munoz, lui, a déjà été spectaculaire, mais c'était pas grâce à lui nécessairement. C'était face à Matt Hamill. Oh, le coup de pied! En plein là où vous aimeriez pas le recevoir, en pleine gueule. Oh, ça avait été souffrant, pauvre gars. Je pense qu'il était reparti sur une civière. Munoz, c'est un Philippin américain là. C'est son deuxième combat à 185 livres, puisque dans le passé, il a eu la chance de se faire mettre KO par un KO terrible à 205 livres face à Matt Hamill. Depuis, son premier combat à 185 livres s'est bien passé, puisqu'il a remporté un duel face à Nick Catone. Et là, ce sera son deuxième combat à 185 livres. Son adversaire, Ryan Jensen, 14 victoires, 5 défaites, avec 9 de ses 14 victoires suite à des soumissions. Dans le UFC, une victoire et 3 défaites pour Jensen. Alors que Mark Munoz, lui, son expérience, c'est surtout un bon lutteur, mais au sol, on ne sait trop. De la puissance dans ses mains. Un combat plus ou moins intéressant. Par la suite, catégorie des 170 livres, Mike Pyle, le vétéran de 34 ans, qui s'entraîne avec extrême couture, 19 victoires, 6 défaites, avec 17 de ses 19 victoires par soumission. Il a soumis, entre autres, dans son dernier combat, c'était Chris Wilson par guillotine. Et là, il affronte un gars dont on ne connaissait que très peu de choses récemment, mais on l'a vu dans son dernier combat, Jake Ellenberger. Il nous avait surpris, il a 24 ans seulement, s'entraîne avec la Team Quest, 21 victoires, 5 défaites. Il a perdu son seul et unique combat dans le UFC par décision partagée face à Carlos Condit. Catégorie des 155 livres, toujours un Brésilien qui s'appelle Rafael Oliveira. Il a perdu son dernier combat par décision face à Nick Lentz et là il affronte John Gunderson. 22 victoires, 16 défaites. Il a gagné ses 3 derniers combats par soumission en plus. C'est son premier combat dans le UFC. Honnêtement, je ne connais pas ces deux gars-là. Mais une carte plus ou moins intéressante, mais avec des combats qui pourraient être surprenants. Avec un Sam Stout tout le temps pas spectaculaire, Dwayne Ludwig qui est capable de mettre un terme à un combat n'importe quand, des gars au sol qui sont dangereux comme Jim Meller, les frères Lauzon, Dustin Nazareth, Paul Daly, on l'a vu, il a créé toute une surprise à son premier combat. Est-ce qu'il va pouvoir poursuivre son chemin dans les 170 livres? Parce qu'une autre victoire de Paul Daly, là, puis écoutez, il faut falloir le mettre dans les adversaires potentiels. Dans le prochain à manger sa volée. Ouais, effectivement, parce que moi, ce gars-là, il m'impressionne pas. Je pense pas que c'est un vrai combattant de MMA accompli. C'est un gars, un bon combattant à MMA, mais pas un gars de la trempe de John Fitch, Josh Koscheck. Mais debout, peut toujours créer une surprise, puis il nous l'a démontré face à Martin Kaepman. Alors, une carte, je pense, à ne pas manquer quand même. Payez-vous la traite, c'est le début de l'année 2010. Ça commence peut-être pas en force, mais je pense que c'est un événement qui peut nous donner de combats qui peut être plus spectaculaire que ça peut paraître. Et l'affrontement entre Evans et Silva, ça va être également intéressant. Oui, peut-être juste mentionner vite les paris virtuels pour ce gala-là vient d'être ajouté. J'ai rajouté 4 combats. Là. Rashad Evans, Thiago Silva. Rashad Evans est favori. Dos Santos, Ivel. Dos Santos est favori. Hazlett Daly, Hazlett est favori. Et Lausanne contre Stout. Jimmy Lausanne favori. Parce que moi, je vois Joe Lausanne sortir gagnant. Alors, il va falloir que tu ailles déranger Gisèle une fois de plus. Pour nous dire c'est quoi la prédiction dans une émission peut-être pré-UFC 108. Ouais, malgré que, honnêtement, là, les services de Gisèle, c'est pas donné. Puis déjà, cette semaine, elle m'en a fait une pour la dynamite. Et bon, ce sera Satoshi Ishii qui va remporter son combat. je vais mettre beaucoup de crédit là-dessus. Je ne sais pas si on aura une prédiction Gisèle pour le UFC. Écoutez, quand même, évidemment, elle me rend de fiers services, mais c'est très dispendieux quand même. Alors, peut-être qu'il va falloir patienter pour le prochain événement UFC, mais quand même, la prédiction Gisèle, on en a une quand même pour cette semaine. Ce sera pour le Dynamite où Satoshi Ishii va remporter son combat face à Hideki Yoshida. Là-dessus, reprenons nos esprits, une petite, probablement une dernière pause. Par la suite, on vous revient pour terminer l'émission en beauté. Fred est là, évidemment, l'homme nouvelle lui-même pour nous transmettre ses vœux des fêtes et probablement quelques petites hypothèses. Ça doit être un peu plus tranquille, évidemment, pendant la période des fêtes, mais quand même, Fred déniche toujours quelque chose qui va vous intéresser. On est prêt pour terminer l'émission en beauté. Pour ce faire, évidemment, l'homme nouvelle lui-même va nous parler de tout ce qu'il a à savoir dans le magnifique univers du MMA. Alors, Fred, l'homme nouvelle Garcia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a à retenir? Qu'est-ce qu'on doit savoir de ce qui s'est déroulé dans les derniers jours? Je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui ont dû bien manger et bien profiter de Noël. Ça a été assez tranquille. Quelques nouvelles d'intérêt, là. Peut-être pour commencer, t'en as mentionné un mot tantôt de Moussassi, un potentiel combat en boxe au début de janvier. Puis aussi en même temps, moi j'ai parlé dans le même article que Frank Shamrock voudrait peut-être faire un retour au mois de mars ou au mois d'avril. Moi, Frank Shamrock, comme je te disais là, il y a juste avant le segment, d'après moi, Frank Shamrock, il est plus que fini. j'ai hâte de voir contre qui ferait un retour parce que j'en reviens au fait que Le MMA a beaucoup changé dans les dernières années et je me demande quel adversaire ils peuvent mettre devant Frank Shamrock et rendre le combat compétitif et intéressant. Alors, Ça va être intéressant à voir. Frank Shamrock, moi, d'après moi, sa dernière grosse victoire remonte à Tito Ortiz à l'UFC 22. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs qui aiment bien Shamrock. Là. C'est le nom qui revient toujours. Mais en tant que combattant, moi, je pense que ses années sont pas mal finies. Moi, je pense que Shamrock peut toujours être dangereux. Puis si, évidemment, il combat encore pour Strikeforce, c'est que il était là depuis la naissance de l'organisation. En 2006, il était là pour son combat face à César Gracie, je pense. Un combat qui a duré quoi? 12 secondes, je sais pas combien de secondes. Ouais, mais je pense que c'était même pas là. Un genou illégal, il me semble. C'était deux genoux illégaux. Ah, tu te trompes, c'était face à Renzo Gracie. Ah, ok, ouais. Je pense à sa César Gracie, qui est le coach de tes... De tes adorés, frères Diaz, Jake Shields. Pas grave, Nick Diaz a eu sa revanche. Ouais, en 20 secondes, Shamrock avait disposé de César Gracie, évidemment, qui est pas un gars de MMA, qui est un gars d'un bon coach, puis évidemment, un gars de Jiu-Jitsu brésilien. Mais bon, en MMA, il était peut-être pas prêt. Puis depuis, il a fait... plusieurs présences dans des événements Strikeforce. Sinon, il est analyste même pour les événements dont il ne combat pas. C'est un gars de la place, c'est un gars de San Jose. Puis comme on s'en est déjà parlé, Strikeforce est basé à San Jose. Moi, j'aime bien Frank Shamrock. Un gars au sol, il est bon. Un gars qui est bon un peu partout. Puis au debout, je pense qu'il s'est même amélioré. Mais là, parce qu'on il combat pas très souvent. Il a déjà pris une retraite. Là, il est revenu en 2006. Il éparpille ses présences ici et là, mais toujours face à des noms peut-être trop gros pour lui, comme Nick Diaz, Kong Lee. Bon, c'est pas nécessairement le meilleur en MMA, mais quand même, Shamrock, je pense qu'il veut faire un vrai retour, devrait peut-être aller chercher un combattant un peu plus accessible pour lui, puis tenter d'évoluer comme ça. Je vais donner un peu crédit à Shamrock pour une affaire, c'est que une fois qu'il est parti de l'UFC, Il a été intelligent, il a combattu à très peu de reprises, mais il a su garder son nom dans des gros combats, si on veut, des combats d'intérêt. Mais là, malheureusement, dans les dernières années, je pense qu'il a perdu quelques combats. Aussi, il y a un manque d'inactivité, puis il y a aussi le fait que le MMA a grandement évolué. Alors, c'est là que je vois que Shamrock n'a peut-être pas le même intérêt qu'il avait il y a une couple d'années, même s'il combattait pas souvent il y a une couple d'années. C'est surtout là-dessus que je vois ça, que Shamrock, peut-être, le MMA l'a dépassé, là. Alors, on surveille quand même ça pour voir qui pourrait être un de son prochain adversaire. Ça devrait être au mois de mars-avril, comme nous le dit Fred. Oui, parlant de vétérans, il y en a un que moi j'aime bien. Tom Selleck, qui prend sa retraite. Don Fry. Oh, Don Fry, quel athlète, hein? Que dire de plus de Don Fry? C'est un combattant divertissant quand même, avec des mains, une lutte potable, mais pas. C'était pas un vrai combattant de MMA, je pense. Ben, c'était un gars. Regarde, tu vois, tu dis ça là. Tu dis ça, puis moi là, quand il a annoncé sa retraite, je suis allé regarder un peu sa fiche là, puis je me disais là, c'est un des premiers qui a amené, si on veut, un aspect dans l'UFC où ce qu'il y avait plusieurs disciplines, où c'est justement, il y avait des bonnes mains, il y avait quand même une bonne lutte. Il a gagné deux tournois UFC dans les premières années, faut pas oublier. C'est rendu en finale contre Mark Coleman dans un autre. Alors, Don Fry, c'est sûr que dans ces années-là, c'était pas les plus grands adversaires, mais au début des années de l'UFC, il a quand même fait sa marque, si ce n'est que de sa moustache. Ah, c'est clair, il a eu des belles années, mais il a été tellement dépassé par les événements. Je pense qu'il a fait un combat face à Jérôme Le Banner en camp 1, puis évidemment, là, on avait tout vu, comme Stéphane Vigneault nous a dit, là, lorsque tu mets les gants face à Jérôme Le Banner, tu rentres dans un nouvel univers, puis Don Fry avait été à même de pouvoir le constater. Ouais, tout un KO, le dernier petit coup était très beau à voir. Je sais pas si Don a la même vision. Bon, à part Don Fry, Frank Shamrock, du vieux stock, est-ce qu'il y a quelque chose de plus rafraîchissant? Ben peut-être, excuse-moi, tu viens de me pogner un peu. Ouais, oui, il y a l'Ontario qui commence à ouvrir un peu son esprit et a dit qu'ils vont commencer peut-être à regarder la possibilité là, de légaliser le MMA en Ontario, notre province voisine qui a encore un esprit fermé sur le sujet du MMA. Oh, mais je sais pas si on utilisait à peu près les mêmes thèmes, c'est-à-dire on va commencer à regarder, parce que quand les policiers nous disent qu'ils commencent à faire quelque chose, ça veut dire qu'on en a encore pour le statu quo pour plusieurs décennies encore. En gros, c'est qu'on lui a demandé par après, parce qu'à Vancouver, ça a été légalisé pour une période de 2 ans, et on a demandé au premier ministre de l'Ontario si sa province pouvait considérer la même chose. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il étudierait la possibilité parce que lui ne voudrait pas que le sport devienne underground, ou ce que ça serait, si on veut, pas réglementé, puis que le monde aurait leur gala, si on veut, illégalement. Alors, l'Ontario voudrait pas que ça arrive. Mais moi, j'ai encore. Moi, depuis le début que l'Ontario parle, est-ce qu'ils vont aller en Ontario, est-ce qu'ils vont pas y aller? Moi, je dis que oui, ils vont y aller, mais je pense que ça va être pas mal plus long que certains peuvent espérer. Il y en a qui pensaient que ça se ferait cette année. Je suis pas convaincu. Peut-être que vers la fin année 2010, en parlant de 2010, je veux dire pour cette année-là, peut-être vers la fin 2010, ça va commencer à se faire, mais je pense pas que c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. Oui, les dinosaures de l'Ontario ouvrent leurs yeux, mais ils sont encore un petit peu en arrière. Ah, on va peut-être pouvoir vous en parler dans quelques années de ça, là, dans une autre émission, La Voix des Guerriers, mais d'ici là, il va falloir se concentrer sur d'autres problèmes. Est-ce qu'il y a autre chose là, qui pourrait nous intéresser? Ouais, ben une nouvelle un peu décevante quasiment, je dirais, c'est Jeff Monson. Il a signé avec la promotion Shine Sport là, qui est la promotion où ce que Ricardo Mayorga pourrait faire ses débuts en MMA. Et Jeff Monson, il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait à Strike Force. Alors c'est un peu décevant si il s'en va vers Shine Sport, que je connais pas vraiment. Je connais Ben, personne. je pense que c'est un peu American Top Team qui est derrière cette organisation-là. Puis Monson s'entraîne pour l'American Top Team. Alors, je présume. Puis là, j'espère que je dis pas des niaiseries, mais en tout cas, il me semble, à mon souvenir, avoir déjà vu ça quelque part, là. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs combattants également de l'American Top Team qui combattent là, qu'on connaît pas nécessairement, pas les grands noms. Puis Jeff Monson, il semble être quelqu'un d'ingérable dans la vie. Peut-être pour ça que les grosses organisations se tiennent à l'écart de ce gars-là. Peut-être que lui également aime avoir une certaine indépendance également. Je ne sais pas pourquoi il ne se joint pas à une grosse organisation, mais la nouvelle que tu nous mentionnes, vraiment, son contrat est exclusif pour Shine, je sais pas trop quoi. Non, y a pas, c'est pas officiel encore. C'est juste que là, tout pointe vers Shine Sport pour lui. Puis là, tu dis que ça, y aurait des liens avec son équipe. Alors ça fait du sens, plus de sens. Je trouve ça un peu malheureux parce que Mantine aurait pu offrir des combats intéressants, que ça soit pour Strike Force ou au Japon. Je pense pas que l'UFC, justement, comme tu dis, il doit avoir des raisons pourquoi Monson n'est pas dans une grosse organisation, parce qu'il a une excellente fiche. Alors, il doit avoir des raisons autres que le combat, peut-être. Mais c'est ça, Monson a sa place dans des grosses organisations en tant que combattant, selon moi. Alors, c'est un peu décevant. Oui, ça c'est certain, mais c'est un gars quand même qui a un certain potentiel, mais à part de ça, a jamais gagné nécessairement le gros combat. Mais effectivement, je pense que c'est un gars avec un style intéressant, puis j'aurais presque aimé voir un affrontement face à Fedor. Oui, ben regarde, moi j'aurais aimé ça le voir contre Kimbo, là, mais. Oh, tu laisses pas de chance. Pauvre Kimbo, hein, c'est parce que j'ai toujours pas trouvé d'adversaire potentiel, là. Il n'y a personne qui me répond. Alors, trouvez-moi quelqu'un que Kimbo va affronter. Ah, ben moi je te parle de Jérôme Lebanner, j'aimerais bien voir Ben ça. ouais, mais c'est pas compétitif, c'est pas sérieux, Ken. Ça contre Jérôme LeBanner, ça va durer moins de 30 secondes. Ah, oh, quand même, Kimbo a affronté des gars qui se débrouillaient quand même debout. Il a affronté un boxeur dans un combat exhibition. Là, je pense que je vais aller organiser une entrevue avec Jérôme LeBanner pour que tu lui dises ça, Ouais, là. non, je m'en cache pas, le banner, c'est probablement un de mes combattants préférés, là, tout sport de combat confondu. Puis moi, je veux le voir au UFC, je veux le voir à Montréal, puis je veux le voir écraser Kimbo. C'est mon rêve le plus cher en ce moment. Si on pensait à un de tes jeunes préférés, John Jones, il avait amené la décision de son combat contre Matt Hamill en appel, et la commission du Nevada a pas pris beaucoup de temps. Ils ont simplement dit que non, qu'ils revenaient pas sur la décision, que la décision de l'arbitre restait là, que il y avait pas matière à changer ça. Alors John Jones reste avec une défaite sur son dossier suite à disqualification face à Matt Hamill, qui lui a une plus belle fiche, mais tout le monde sait en dedans d'eux qui a gagné ce combat là je pense. Oui, Matt Hamill. Voilà, il a mangé toute une raclée, le pauvre Hamill. Puis honnêtement, là, c'était triste de voir ça. Oh là là, j'aurais pas aimé être à sa place. Personne n'aurait aimé être à sa place. Mais Hamill, quand même, il était chanceux dans sa raclée. Puis John Jones a utilisé son coup dans des mouvements illégaux. Puis il faut qu'il paye le prix. C'est le genre d'erreur qu'il ne va pas commettre à nouveau. Il faudrait se renseigner parce que je sais pas si tu étais amateur de lutte professionnelle. Tu sais, dans le temps, on pouvait pas gagner un championnat sur disqualification. Est-ce que c'est pareil dans le MMA? Une question intéressante, là, je viens de me demander. Ben là, regarde, hein, on sait quoi faire du temps du reste de nos fêtes, là, mais honnêtement, une défaite, c'est une défaite. Je pense, disqualifié ou pas, tu perds ton titre, mais on surveillera ça. Hein? À part de ça, qu'est-ce qui se passe dans l'univers du MMA? C'est le temps des fêtes, il n'y a pas grand-chose à dire, mais Fred a réussi à nous dénicher 3-4 petites choses. Est-ce qu'il y a autre chose là, pour terminer en beauté? Bah, peut-être juste pour finir, dire que Marcus Jones a déjà décidé de prendre la bonne décision, je pense, dans son cas, c'est qu'il va supposément prendre sa retraite du MMA. L'ancien joueur de la NFL va peut-être passer pour devenir un annonceur ou à TV. On pourrait peut-être le voir dans une genre d'émission du style MMA Live ou peu importe. Alors, Marcus Jones, qui a montré beaucoup de cœur, qui avait de l'air d'un méchant bon gars, je pense prendre la bonne décision. C'est la preuve qu'on peut pas juste rentrer dans le MMA sans avoir une grande expérience dans ce milieu-là. Ah oh, oui, je suis d'accord avec toi. Tu sais, Kimbo, on rit bien de lui, là, mais c'est bien beau être pas pire puis se débrouiller au sol, mais quand même, le pauvre Marcus Jones, je sais pas s'il était au courant avant d'entamer une carrière en MMA, mais le combat, il commence debout. Puis à partir de là, Marcus Jones, il était poche, là, faut pas se le cacher, puis il était plus grand que tous les autres, à peu près, mais il se servait pas de sa portée. Honnêtement, debout, là, probablement que Tommy Boy, ton fils spécialiste judoka, aurait probablement couché Marcus Jones là, avec ses mains. Là, je sais pas, je pense qu'il il était vraiment abominable debout, là, pourtant avec un physique de sa trempe, des jambes longues puis toute l'affaire. Il était vraiment pourri debout. Je pense, honnêtement, j'ai jamais vu qu'un combattant aussi poche que lui en position debout. Ben, tu vois, regarde, moi j'en reviens à dire, là, c'est ça, que des gars d'autres sports là peuvent pas venir de même puis être bons tout d'un coup. Brock Lesnar, c'est une exception, puis il a un bon background en lutte. Alors, tu sais, il y avait quand même des outils pour faire ce qu'il voulait dans le MMA. Mais je te dirais qu'en général, le sport a tellement évolué là, que même un gars en ce moment comme Rampage, là, j'ai un peu peur pour Rampage. Prendre autant de temps de repos, là, les réflexes, tout ça, là, j'espère qu'il a gardé une certaine forme à l'entraînement, parce que c'est pas le genre de sport que tu peux perdre la forme, que tu peux perdre les réflexes, puis espérer bien paraître. Là, les gars que tu affrontes, surtout dans l'UFC, là, c'est des tops. Alors, c'est comme n'importe quel autre sport. Là, c'est ce qui sépare les gars des fois, là, c'est vraiment pas grand-chose, puis c'est comment que tu as pris ton entraînement au sérieux, comment que tu t'es préparé pour tout. Alors, ça va être intéressant à voir. Là, l'année 2010 là, elle va nous offrir beaucoup de beaux combats, je pense. Ben, espérons-le quand même. Puis effectivement, on va avoir des duels qui vont probablement être super intéressants, que ce soit au UFC, Strikeforce, peut-être également au Japon, au Europe, puis au Québec également. Je suis convaincu qu'on aura la chance d'avoir des combats hyper intéressants. On va suivre ça avec vous. Ne manquez pas La Voix des Guerriers. On va être là, évidemment, début 2010 pour notre prochaine émission. Ouais, ça sera en 2010, effectivement, le 3 janvier 2010, probablement, pour avoir avec vous parlé des résultats du Dynamite qui aura eu lieu au Japon, du UFC 108 qui aura eu lieu la veille. On va avoir tous ces résultats-là. D'ici là, on surveille MMAnouvelle.com pour tous les dénouements en ce qui concerne les événements au Japon, puis tout ce qui va se dérouler au cours de la semaine. Ça peut bouger rapidement, vous le savez. Alors, on suit toujours ça sur mmanouvelle.com. Sinon, nous, on se reparle probablement début de l'année 2010, à moins qu'on ait quelque chose de spécial à vous transmettre avant pour 2009. Sinon, on vous souhaite évidemment de passer un joyeux jour de l'an avec plein de bouffe, plein de sucreries. Faites-vous plaisir. Nous, évidemment, là, on retourne à nos assiettes, puis on va encore aller gonfler notre abdomen de produits qu'on ne devrait pas ingérer, mais qu'on se permet une fois par année. Oui, bonne année à tous les lecteurs, auditeurs. On est heureux de vous avoir pour 2010. Revenez en forme, pas d'abus. Et amusez-vous. Bye, salut.